J'ai commencé à pleurer, comme un puits allumé. Kadi kadi chérie, l'ongola n'a pas souci. Kadi kadi eh, kadi moi la pigno. L'ongola m'a pas souci. Kadi kadi eh, kadi moi la pigno. L'ongola m'a pas souci. N'akondi kokondo, l'ongola kanda sucre. Kadi kadi chérie, l'ongola n'a pas souci. Kadi kadi eh. Kadi mwana pinyo, lombola mabaso, kanaliki yoe. Kadi kadi ye, kadi mwana pinyo, lombola mabaso, kanaliki yoe.